Ce soir sur France 3, il faut prévenir d'urgence le docteur Sylvestre. Secret médical alors? Si tu m'en as parlé, c'est pour qu'on en fasse quelque chose tous les deux, non? Une mère coupable, incarnée par Charlotte Valandrey. Julie, tu l'as retrouvée? Non. Une gamine éperdue. Julie! Julie! Poussée à la dernière extrémité. Et si on la retrouve pas? Il faut y croire. Les séquelles d'une haine familiale. Faites confiance à ceux qui vous aiment. Pierre, vous êtes médecin, non? Ce soir à 20h50, un cas très difficile pour Maria Pacôme et le docteur Sylvestre sur France 3. Question pour un champion. Avec son petit carton jaune, Julien Lepers vous donne tout de suite une indication sur France 3. Depuis 15 ans, les plus belles filles du monde concourent pour devenir top modèles. Vous ne les connaissez pas, demain vous les reconnaîtrez dans toutes les images de la mode. Elles viennent pour inscrire leur nom au générique de la beauté. Pour la première fois en France, modèle 96. La soirée de gala de la beauté présentée par Linda Hardy et Frédéric Mitterrand, mardi à 20h50 sur France 3. Les dessous du top télé avec Karine Mulder. Dimanche, Lindemir, France 3, le top modèle 96. Victor Lanoux. C'est ça qui va approcher nous les jeunes, c'est la tête. Le danseur étoile Patrick Dupont. On fait tout ce qu'on peut pour que l'autre soit beau. Miroir, au beau miroir des médias, dis-nous qui est la plus belle. Vous avez bien noté, Ligne de mire, c'est maintenant chaque dimanche à 13h sur France 3. Pour acheter à coup sûr un très bon poulet, vérifiez qu'il est bien élevé en liberté et nourri aux céréales à volonté, comme le poulet de Loé. Vérifiez que sa qualité est bien signée d'un des 900 fermiers de Loé. Acheter un poulet de Loé, c'est le bon goût assuré.